Chapitre 9e. Le lendemain, il retourna les chercher. Cette heure de musique lui devint nécessaire comme le pain quotidien de son amour. Il ne se demandait pas ce qu'en adviendrait, il ne voyait pas au-delà de l'heure présente. D'ailleurs, dans cette vie nouvelle, tout ne lui semblait-il pas transitoire et fantastique? Marthe était sans méfiance et sans projet. Cette femme qui n'avait jamais connu le monde en ignorait les dangers et les perfidies. La grande liberté de la vie, qui dans ces pays autorise entre jeunes gens et jeunes filles une familiarité innocente, expliquait le plaisir tout naturel que Xavier trouvait auprès de Thécla. Pendant une quinzaine de jours, ces trois êtres, aussi ignorants de la vie l'un que l'autre, se laissèrent ainsi entraîner par le flot égal et doux qui les portait mystérieusement vers des rives inconnues. Xavier baisait de temps en temps la main de Thécla et ne lui parlait presque plus, depuis que la musique servait entre eux d'intermédiaire passionné. Cette béatitude troublée suffisait à les maintenir dans le rêve, pendant que Marthe cheminait affaissée sous le poids de ses souvenirs. Il ne faisait pas de projet et se contentait de vivre. Ce que le jeune comte avait jadis pris pour l'amour était si différent de ce qu'il éprouvait maintenant qu'il rougissait aux souvenirs du passé. Il sentait vaguement que les choses ne pourraient pas toujours aller ainsi, mais il écartait la pensée inquiétante. Au jour ardent de juillet, chacun sait que l'hiver reviendra. Mais qui donc y songe? C'est si loin. Xavier se disait aussi qu'il devrait bien aller voir la comtesse. L'excellente femme lui avait écrit une lettre pleine d'effusion et de joie. « J'espère, disait-elle ensuite, que tu songeras à relever l'ancienne maison de tes ancêtres. Bella est un château magnifique, mais ce n'est pas le berceau de ta famille. Si, comme tu l'écris, le défunt comte t'a laissé outre ses terres une fortune considérable, dont tu peux disposer à ton gré, tu ne sauras mieux faire que d'en consacrer une part à restaurer la vieille demeure. Tu te marieras quelques jours, et il faut que l'aîné de tes fils reçoive en apanage le vieux nid de famille. « Ma tante est la meilleure femme et la plus sensée qui existe, » pensa Xavier. Et sans tarder, il le lui écrivit. « Pourquoi m'écris-tu ? » répondit la comtesse. « Tu ferais bien mieux de venir me voir. » Ou bien est-ce que ta nouvelle demeure te plairait au point que tu ne saurais plus la quitter, même pour quelques jours ? Xavier sourit en lisant cette lettre. En vérité, il ne pouvait se résoudre à quitter Bella, mais c'est parce que Bella et Thécla ne faisaient qu'un. À la pensée de passer un jour loin de la jeune fille, il éprouvait une douleur aussi intense que si on lui arrachait une part de sa chair. Cependant, l'idée qu'il devait une visite à sa tante n'était point sans le tourmenter d'un vague remords. Il en parla à Thécla. Inconsciemment, il lui faisait part maintenant de toutes ses pensées, en deux mots, simplement, comme s'il remplissait un devoir. « Vous vous en irez ?» fit Thécla doucement, dans sa voix pure, émue et, pour ainsi dire, intime, qui remuait si profondément le cœur de Xavier. Elle n'ajouta pas un mot, mais une pâleur étrange s'était répandue sur son visage. On eût dit que ses traits charmants s'évanouissaient dans une sorte de brume. Marthe Menzel leva la tête pour interroger Xavier, et ne songea point à regarder sa fille. Le jeune homme avait senti l'émotion dans la voix de Thécla. Il avait vu sa pâleur exquise. « Non, non, » dit-il avec une sorte de fièvre, « non, plus tard, et peut-être pas du tout, nous en reparlerons. » Et tout aussitôt, il leur raconta les merveilles qu'il se proposait d'exécuter au vieux château des Stanitsky. Thécla écoutait, toute bouleversée encore de la pensée nouvelle qui venait d'entrer dans sa vie. Xavier s'en allait. On ne pouvait donc pas vivre ainsi, toujours ensemble, dans une sorte de rêve avec le soleil d'été au dehors, et dans l'âme, un astre mille fois plus radieux encore. Le jeune comte eut beau s'évertuer à la faire sourire, elle resta silencieuse, et la musique qu'elle joua ce jour-là n'eut que des accents mélancoliques. Le lendemain, il retrouva Thécla souriante, le repos de la nuit avait écarté les pensées douloureuses. Le soleil s'est élevé comme la veille. Pourquoi son bonheur ne se lèverait-il pas aussi? Elle arrangea ses cheveux en chantant, et sa mère soupira plus d'une fois, en songeant combien la jeunesse est oublieuse. Y avait-il tant de jours que le vieux comte était enseveli? Mais si la jeunesse est oublieuse, c'est par grâce d'État, se dit la triste Marthe. Il baisa le front pur de sa fille sans lui faire part de ses réflexions. Il semblait aux amoureux qu'ils avaient à se dédommager des mélancoliques impressions de la veille, car les doigts de Thécla égrenèrent sous les hauts plafonds les plus folles fantaisies, les plus éclatantes fioritures. Ils y prenaient tant de plaisir tous deux que sans s'en apercevoir, ils dépassèrent l'heure et le sommelier m'a annoncé que le déjeuner était servi. « Mesdames, s'écria Xavier. « Quelle excellente idée! Déjeunons ensemble, vite, 2 couverts de plus !» Le domestique s'éloigna à pas muets. Les deux femmes hésitaient. Xavier les entraîna vers la salle à manger. Le repas ne leur donna point la gaieté qu'ils en attendaient. Tristes et embarrassées, les dames Menzel souffraient de leur situation, qui n'était point l'ancienne et qui ne pouvait pas être la nouvelle. À peine le dessert était-il servi qu'elles se levèrent pour se retirer et Xavier n'osa les retenir. Comme elles passaient dans le vestibule, un des valets dit méchamment à l'autre « Le vieux comte n'a pas seulement légué ses biens à notre jeune maître, il lui a aussi laissé ses habitudes. » Marthe avait entendu et compris. Elle pressa le pas. Déclat, qui ne se doutait de rien, la suivit presque en courant. « Qu'y a-t-il, mère ? » dit-elle au moment où, tout essoufflée, elles arrivaient à la maison. « Il faut nous en aller d'ici, mon enfant, » répondit la mère en pressant sa fille dans ses bras. « Pourquoi ? » fit Éclat, qui se sentit défaillir. « Parce que je ne veux pas que tu souffres comme moi, que tu sois méprisée comme moi. Oh, ma fille, j'ai peut-être trop tardé. Le jeune comte ne t'a jamais dit qu'il t'aimait ?» Éclat ne savait pas mentir. « Ma mère, » fit-elle en rougissant, « il me l'a dit. Qu'as-tu répondu ? Rien. » D'un regard, Marthe fouilla jusqu'au fond de l'âme de son enfant et poussa un grand soupir de soulagement. « Nous partirons demain matin, pendant qu'il dormira. Tu me promets de ne pas le lui dire ?» Plus blanche que la rose blanche offerte le matin même par Xavier et qu'elle portait à son corsage, Thécla répondit « Si je ne dois pas le lui dire, je ne le lui dirai pas. Mais ma mère, j'en mourrai de chagrin. » Marthe la regarda avec une grande pitié. « Pauvre petite, » soupira-t-elle. « Mais vois-tu, ma fille, je te le dis, mieux vaudrait mourir de chagrin que de vivre comme j'ai vécu. » Le lendemain, quand Xavier vint chercher ses amis pour l'heure de la musique, la maisonnette était vide.